Chapitre 10. La nuit a mis sur les toits qui ondulent. Elundril Shariakin, chevaucheuse de brume. Edwin n'ordonna pas de pause à la mi-journée. Il fallut se contenter d'un bout de pain d'herbe et de pâté de termites grignotés sur sa selle ou sur son banc. Camille sourit en se remémorant sa réaction dans la charrette de Wouwou, le marchand de graines. Aujourd'hui, elle appréciait la charcuterie insolite, fortement épicée, et la manie des alaviriens d'incorporer des herbes à leur préparation culinaire. Elle se sentait bien. La nuit passée en partie sur le dos de Murmure lui avait ouvert un monde de sensations. Elle s'accordait parfaitement avec sa monture et était reconnaissante à Ilana de lui permettre de vivre cette expérience avec son cheval. Elle s'aperçut toutefois, à l'occasion d'une brève halte pour satisfaire des besoins naturels, qu'elle avait les jambes moulues et que la peau de ses fesses semblait à vif. « Bienvenue dans le monde des cavaliers !» lui lança Bjorn en la voyant marcher d'un pas mal assuré vers les buissons proches. Camille ne répliqua pas, et quand Edwin lui proposa de s'asseoir dans le chariot à côté de Salim, elle accepta volontiers. « La piste va descendre !» expliqua-t-il en souriant. « Les chevaux tireront l'attelage sans problème, même avec ton poids. Et je préfère que tu arrives valide à la capitale. » Elle s'installa sur le banc près de Salim. « Tiens, te revoilà » remarqua-t-il. « Ça faisait longtemps que je t'avais pas vue. Qu'est-ce que tu deviens ?»« Pas grand-chose », expliqua Camille, heureuse de retrouver la bonne humeur de son amie. « Quelques ogres de ci, de là, une bande de raïs, la routine, quoi. Et toi ?»« Pareil, ce voyage commence à devenir monotone. » « Vivement que Bjorn fasse une des grosses bêtises dont il a le secret pour nous mettre dans le pétrin. « T'as de la chance de mener l'attelage, vermisseau !» rugit le chevalier qui, évidemment, avait suivi l'échange. « Maniel !» appela Salim. « Bjorn a encore une crise. Tu veux pas l'étouffer un peu pour qu'il se calme ?» Le visage du soldat s'éclaira et le garçon, heureux de voir qu'un vent de gaieté soufflait à nouveau sur la troupe, continua, emporté par son élan. « Ne rigole pas trop » conseilla-t-il au géant. « Sinon, Ilana n'aura besoin que d'une seule main pour te ficher en l'air. »« Qui t'a raconté ça ?» questionna Maniel. « C'était à la une de tous les journaux de mon monde. Le gros Maniel se fait une fois de plus mater par la jeune Ilana. »« Tu exagères !» lui souffla Camille. « Tu ne connais pas assez Maniel pour te permettre ça. » Mais le soldat éclata de rire, imité par Bjorn et Ilana. Salim décida de lancer une dernière boutade. « Ça dit, même Ilana n'est pas parfaite. » J'ai cru comprendre qu'elle s'était volontairement liée par serment à sauver 3 fois la vie d'Edwin. Le problème, c'est que ça lui prendra au moins 3 siècles, et Lana n'est pas très futée. Et toi, tu es trop bavard, intervint Edwin. Soudain, Salim eut l'air moins sûr de lui. Vous trouvez ? Oui. Le mot avait été prononcé à la Edwin, sans intonation particulière ni éclat. Il percuta Salim qui se recroquevilla penaud. D'un regard, il quémanda le soutien de Camille. « Pourquoi vous vois-tu Edwin ?» se borna-t-elle à lui demander. « Alors que tu tutoies les autres ?»« Ce n'est pas tout à fait vrai, » rétorqua Salim, heureux de la diversion. « Je dis également vous à Maître Douhomme. Pour Artis, je ne sais pas. Je ne suis pas sûre de lui avoir déjà adressé la parole. D'ailleurs, toi aussi tu vous vois Edwin. »« Pour Maître Douhomme, d'accord, » l'interrompit Camille. « Il pourrait être notre grand-père. Mais Edwin ?» Il n'est pas plus âgé que Maniel et à peine plus que Bjorn. Salim réfléchit un instant et haussa les épaules. Je ne sais pas, il me donne l'impression de ne pas être complètement humain. La seule fois où je l'ai entendu rire, c'est lors de la bagarre dans le lac, avant qu'on parte chercher ton frère. Le reste du temps, il réfléchit, donne des ordres et agit. Un peu comme une machine, tu trouves pas ? Ils parlaient à voix basse, persuadés que personne ne les entendait. Ils furent surpris lorsque derrière eux, Maître Douhomme intervint. Ne jugez pas trop vite, conseilla-t-il d'une voix faible. Il y a dans le passé d'Edwin Tililan de quoi remplir 3 vies normales. Il a consacré son existence à l'Empire, et sans lui, nous serions depuis longtemps sous le joug Rai. La survie de Gwendalavir passe par toi, Ewilan, et je refuse de penser que le hasard seul est à l'origine de ta rencontre avec Edwin. Il doit te ramener à Aljet, puis selon toute probabilité, te guider jusqu'au figé. C'est une responsabilité écrasante même pour un homme comme lui. Il n'a pourtant pas l'air de se poser de questions, objecta Salim. Il décide, les autres obéissent. Ce n'est pas si simple, réagit le vieil homme. Edwin doit prendre des décisions déchirantes. Il a simplement la force de garder ses doutes pour lui afin de ne pas nous écraser. Des décisions déchirantes ? Releva Salim. Tu crois vraiment qu'Edwin peut, comme hier, demander sans état d'âme à Bjorn et à Maniel de se sacrifier alors qu'il court à l'avant avec Ewilan ? Qu'il peut sans regret les laisser mourir ? Et tu sais quoi, bonhomme ? Non ? Pour sauver Ewilan, Edwin serait prêt à tous nous sacrifier. Il ne lèverait pas le petit doigt pour nous si cela devait compromettre les chances d'éveiller les figés. Il en serait malade, mais il n'hésiterait pas. Cela fait-il de lui une machine ? Non, ne réponds pas à cette question. Prends d'abord le temps de réfléchir. L'analyste grimaça en se tenant les côtes, et Artis Valpierre se précipita. Ce n'était toutefois qu'une fausse alerte, et le vieil homme repoussa le rêveur qui se penchait sur lui. « Ça va, Artis, » affirma-t-il. « Je tiens bon. » Camille caressa la sphère grave dans sa poche. Ce geste lui était devenu familier, et elle appréciait le toucher doux et lisse de la pierre, oubliant les griffes qui l'enserraient. Elle ne pensait plus au Tzlich à qui elle l'avait prise, mais se souvint de sa première rencontre avec Edwin. « Nous nous trouvions dans la forêt de Barahil, » raconta-t-elle, « quand l'intervention d'Edwin nous a sauvés des marcheurs. Ce jour-là, il a évoqué sa mission auprès des Fael. Pouvez-vous nous en dire plus sans le trahir ?»« Je crois que oui, » répondit Maître Duhaume. Les Faëls sont une autre des races qui peuplent ce monde. Des alliés de l'Empire ? S'enquit Camille. Pas au point d'entrer en guerre pour nous aider. Ils voyagent parfois jusqu'en Gwendalavir, et les rares Alaviriens qui osent traverser Barahil ne sont jamais mal reçus. Mais là s'arrêtent nos relations. Je pense qu'Edwin avait pour mission de les convaincre de se ranger aux côtés de l'Empire. Les Faëls détestent les Raïs, mais les persuader n'aurait pas été chose facile. Ce sont des êtres indépendants, sans réel gouvernement, et très difficiles à cerner. Les compagnons franchirent à cet instant le sommet de la dernière colline. Devant eux s'ouvrait une immense étendue herbeuse, parsemée de bosquets d'arbres élancés. La piste descendait jusqu'à la prairie en une succession de virages serrés. Elle filait ensuite droit jusqu'à une haute barrière rocheuse qui bouchait l'horizon. « Les dentelles vivent !» indiqua Edwin qui s'était arrêté au sommet du col. Une muraille naturelle, parfois haute de plus de 300 mètres, qui s'étend sur des kilomètres pratiquement du lac Chen jusqu'à l'océan. Camille sortit sa carte pour suivre les explications du maître d'armes. Les dentelles vives sont absolument verticales, continua Edwin, mais très étroites. Il n'existe que quelques brèches pour les franchir. La seule qui soit sur notre route est la passe de la Goule. Au-delà, nous retrouverons la civilisation et la sécurité. En route! Salim fit claquer ses rênes et engagea l'attelage dans la descente. Ils gagnèrent vite la prairie et Camille se réjouit de se déplacer à nouveau dans un espace libre. La végétation dense des collines de Taj, son absence de perspective, l'inquiétait. Surtout depuis l'affrontement avec les ogres. La journée tirait à sa fin. Le ciel se teignit peu à peu de couleurs vives et un vent frais se leva, apportant avec lui une touche de bien-être. J'aimerais que nous franchissions la passe avant la nuit. Insista Edwin. La prairie est plus sûre que les collines, mais on peut toujours y faire de mauvaises rencontres. Nous sommes loin des dentelles vives ? Demanda Camille qui avait du mal à trouver des repères pertinents dans l'immensité qui s'ouvrait devant eux. De bonnes heures à ce rythme, répondit Edwin. Nous camperons à l'entrée de la Goule. C'est là que nous nous défendrons avec la plus grande efficacité si nous sommes attaqués. Vous nous avez parlé des Goules ? S'inquiéta Salim. Vous avez même précisé qu'elles étaient plus terribles que les ogres. Il n'y a plus de goules dans le sud de Gwendalavir depuis des centaines d'années, le rassura Edwin. Je pensais plutôt à des animaux. La prairie regorge de bêtes sauvages et un tigre ou un ours élastique peut parfois s'avérer aussi dangereux qu'un ogre. Les hurlements qui s'élevèrent à cet instant derrière eux n'étaient pourtant pas poussés par des animaux. Une horde raille venait de se matérialiser au bas des collines.